Chapitre 6e. Composition et style. Balzac donne l'illusion plutôt que la réalité d'une composition forte et savante. Je ne vois qu'un très petit nombre de ses romans où la proportion juste des parties satisfasse pleinement l'esprit. Il faut citer au premier rang de ceux-ci Eugénie Grandet, où le récit se développe d'un mouvement lent mais continu et s'arrête à point précis, dans un sentiment très juste de ce que la curiosité et l'émotion du lecteur réclament. Le Cousin Ponce est aussi très adroitement disposé. Mais dans la plupart de ses ouvrages, les hors-d'œuvre sont infiniment nombreux, longs et pénibles. On connaît ses débuts par descriptions qui sont énormes. C'est du réalisme, dit-on, du naturalisme, l'étude des milieux. C'est du bavardage, le plus souvent. Il n'est pas besoin de 100 pages pour donner l'impression de la réalité et me faire connaître la physionomie d'une maison. Surtout, il n'est pas besoin de 100 pages au commencement d'un volume. La réalité matérielle nous entoure et nous accompagne tout le long de notre existence. C'est tout le long du récit et de place en place, adroitement présenté, mêlé aux actes des personnages, les environnant comme un cadre, qu'il faut me la peindre. Et cela est si vrai que ces descriptions d'objets matériels, après les avoir faites au début, Balzac les recommence et les reproduit partiellement au cours du volume. C'est la marque qu'au commencement elles étaient de trop. De même, ces dissertations qui, de temps à autre, interrompent les romans de Balzac, ne me paraissent pas les soutenir. George Sand, au moins, mettait les siennes dans la bouche de ses héros. Balzac suspend le récit, prend la parole et nous dit « Remarquez que l'amour anglais est profondément différent du nôtre. Il est foudroyant et volcanique. Il n'y a qu'un anglais qui ait pu écrire Roméo et Juliette. L'amour de Juliette est essentiellement anglais. Je l'aurais cru plutôt italien, mais ce n'est pas cela qui m'inquiète fort. C'est de voir le récit interrompu par une conférence. À la vérité, le récit ne m'intéressait guère non plus. » Quelques lecteurs du XXe siècle, qui saura vaguement que Balzac avait tenté de fonder une revue, la Revue de Paris, supposera qu'il y avait dans Balzac un essayiste, dont les articles n'étaient pas accueillis par les revues du temps et qui les écoulait dans ses romans. Ce sont là des défauts graves. Et cependant, les romans de Balzac paraissent souvent d'une très solide structure. C'est grâce à cette inflexibilité puissante qu'il met, comme je l'ai montré, dans la construction de ses personnages. Ce sont ses héros qui sont composés. L'unité de la passion qui les anime, le progrès continu de cette passion, son développement logique, de plus en plus énergique et précipité, donne à l'œuvre tout entière un genre d'unité et de progression qui est d'un rare mérite et d'un grand effet. C'est là toute la composition du père Goriot, de la cousine Bette, baron Hulot, du ménage de garçon, malgré ses hors-d'œuvre si ennuyeux, mœurs dissoudain, la désœuvrance, etc. Et voyez la contrepartie. Lorsque la passion décrite est de telle sorte qu'elle n'est pas, à proprement parler, susceptible de progrès, faiblesse et vanité de Rubempré, le roman, très remarquable d'ailleurs à d'autres titres, n'a plus même apparence de composition, les illusions perdues. Tout le monde tombe d'accord que Balzac écrivait mal. Il n'y a pas à redresser l'opinion sur ce point. Il écrivait mal. Il arrive quelquefois, et en vérité assez souvent, qu'on ne s'en avise point. Cela a lieu dans deux cas, quand il ne songe pas à bien écrire et quand il fait parler un personnage de basse condition. Il advient que Balzac, échauffé sans doute par l'intérêt de son sujet, va devant lui sans songer à l'Académie française et ne pensant qu'au fait qu'il raconte. Dans ce cas, il n'a aucune qualité ni aucun défaut. Il se fait comprendre, il est lisible, voilà tout. Il ne songe point à bien écrire, et on ne songe pas à le lui demander. Personne n'a jamais imaginé de faire un examen attentif sur le style d'un fait divers. Il aurait dû toujours écrire comme cela. Il arrive aussi qu'il fait parler une portière ou un marchand de ferraille. Alors, il est admirable. Je ne plaisante point. Il est étonnant de fidélité, d'exactitude, de vérité. On peut trouver trop longs les bavardages de la concierge de M. Ponce, mais qu'on m'accorde qu'ils sont la réalité même. Ce n'est point une parodie, ce n'est point un équivalent, c'est le vrai. C'est une femme du peuple de Paris que vous entendez. Partout ailleurs, le style de Balzac est douloureux. J'ai assez dit comme il fait parler ses hommes et ses femmes du monde. Je n'y reviens que pour faire remarquer que s'il nous semble si faux, c'est un peu la faute de l'écrivain, autant au moins que de l'observateur. Ayant les mêmes sentiments, mais les exprimant dans le vrai langage de leurs conditions, ils paraîtraient des hommes du monde un peu indignes d'en être, mais enfin, des hommes du monde. Mais aussi les hommes de cette classe, se distinguant surtout, au premier regard, par leur façon de dire « une faute de style est ici une faute contre les mœurs ». Quand il parle en son nom, dans ses réflexions, ses dissertations, ses analyses, ses tableaux, ses récits importants et soignés, il est malaisé de dire à quel point il est mauvais. Il a exactement le style dont se servent les mauvais plaisants pour parodier le style romanesque. Il écrira « Une chose digne de remarque est la puissance d'infusion que possèdent les sentiments. » Père Goriot. Il aura les métaphores à la fois vulgaires et prétentieuses dont se servent les beaux esprits de petite ville. Le lendemain, la poste versa dans deux cœurs le poison de deux lettres anonymes, Ursule Mirouet. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absente des reproches, cousine bête, etc. Le Lys de la Vallée est un prodige de pathos et de phoebus. On dirait qu'il s'est appliqué à être mauvais. Et le pire, c'est qu'on voit bien que s'il est si mauvais, c'est qu'il s'applique. Il a voulu parler le style de Chateaubriand, ce qui fait qu'il débute ainsi. À quel talent nourri de larmes, devrons-nous un jour la plus émouvante élégie, la peinture des tourments subis en silence par les âmes dont les racines tendres encore ne rencontrent que de durs cailloux dans le sol domestique, dont les premières floraisons sont déchirées par des mains haineuses, dont les fleurs sont atteintes par la gelée au moment où elles s'ouvrent? Quel poète nous dira les douleurs de l'enfant dont les lèvres sucent un sein amer et dont les sourires sont réprimés par le feu dévorant d'un œil sévère? Et tout le long du volume, comme il s'agit de peindre des âmes religieuses, c'est une profusion de métaphores bibliques, parfums de Madeleine, étoiles des mages, charbon d'Isaïe, qui touchent au burlesque. Je connais deux parodies de ce style boursouflé et très froidement emphatique. C'est la conversation de Rodolphe avec Madame Bovary pendant la solennité du comice agricole et les impressions de voyage de l'homme à l'avalanche dans le Mont-Saint-Bernard de Topfler. Toutes deux sont inférieures au modèle. Lui-même avait besoin de modèles pour écrire convenablement, mais d'un modèle conforme à sa nature, qui n'était ni fine ni distinguée. Il copiait bien le langage des hommes du peuple, et il imitait assez heureusement, quoique d'une manière tendue et sans aisance, le style des conteurs grivois du XVIe siècle. Les scènes populaires et les contes drôlatiques sont les seules parties de son œuvre qui, au point de vue du style, est une valeur.